bonjour. Tes brins de clair ou effacer toute ma laine. En caresse sincère, cicatrisée chaîne. En l'eau, l'amour, où saoulez-nous tous les jours. En son pour nous, le doudou. Tous les jours, mon lac est cherché. Besoin.